Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Simple, serein, le visage doux, Lama Jampa Legdan a les yeux remplis d'étoiles. Lama Jampa est tibétain. Né à Darjeeling, il a suivi une éducation monastique avant de venir en France dans les années 90 en tant qu'interprète. Aujourd'hui, coordinateur spirituel, il contribue à perpétuer la culture et la philosophie tibétaine. Bonjour, Tachidele. Oui, Tachidele, c'est un mot qui veut dire bonjour, mais un mot qui est vraiment, on souhaite à la fois la bienvenue, on souhaite bonheur à tous. Quand je dis lama, c'est-à-dire vous avez le titre de lama? Ça, c'est un... lama, c'est un mot très compliqué. En fait, moi, je suis lama plus en sens. Par exemple, mon grand-père, ils étaient tous lama. Et puis actuellement, donc mon oncle qui détient donc cette lignée de lama, et donc il y a 4 ans, donc il m'a transmis dans cette lignée. Donc depuis, donc je détiens cette lignée de lama de la famille. Hein. Donc sinon, j'ai été moine pendant plus de 20 ans. J'ai fait mes études dans le sud de l'Inde, dans un monastère de Serra. Donc moine et lama, c'est pas la même chose? Cela veut dire un lama peut être à la fois moine, soit moine ou bien laïque. Par exemple, dans mon cas, donc moi je suis un lama laïque, donc je ne suis pas un moine. Donc un moine n'est pas forcément un lama. Qu'est-ce qui va différencier le lama moine et le lama laïque? En fait, le lama moine, c'est lorsqu'on considère quelqu'un comme un moine, il faut remonter au texte même de Bouddha Shakyamuni, parce que Bouddha, il a donné plusieurs enseignements. Dans un de ses enseignements, ce qu'on appelle le Vinayaka, donc c'est un corvée de la discipline, de l'enseignement porté sur la discipline de la vie monastique. Et donc, selon donc ce texte, un moine pleinement ordonné, donc un moine ou une personne ordonnée doit respecter donc les 3 vœux, ce qu'on appelle de racine, 4 vœux de racine. Donc par exemple, le premier c'est ne pas tuer, et puis ne pas voler, et ne pas mentir, et puis le 4e c'est ne pas s'engager dans aucun acte de sexualité. Donc pour les moines, par exemple, toute forme de sexualité est interdite, tandis que pour les laïcs, donc on a donc le droit de se marier. Par exemple, les lama laïcs, si on veut, on a le droit de se marier. Moi, je suis né en Inde, dans l'Himalaya, près de Darjeeling, donc mes origines sont tibétaines. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au Tibet. Donc, qui dit exil, dit population en déplacement, parce qu'elles ont dû fuir quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est l'impérialisme chinois. Que s'est-il passé au Tibet? Maintenant, ça fait plus de 50 ans que Tibet a été envahi par la Chine. Donc, historiquement, nous, de notre côté, en tant que Tibétains, le gouvernement tibétain en exil, historiquement, Tibet a été un pays libre, indépendant, parce que nous avons... par exemple, une identité, une culture, une religion, une langue, des monnaies, et puis un drapeau, donc tout est différent de ceux de la République Chine. Hein. Et depuis, malheureusement, depuis les années 50, donc la Chine a envahi le Tibet, et puis depuis la situation, tout le monde connaît un petit peu ce qui s'est passé, et puis ce qui se passe actuellement donc au Tibet. La Chine a commencé à envahir le Tibet dans les années 50, et puis en 1959, ils ont contrôlé donc le Tibet entier. Ils étaient arrivés à Lhasa. Et puis, vu que la situation ne s'améliorait pas, et puis donc le Dalai Lama avec quelques donc personnes importantes ont décidé de quitter le Tibet et venir en exil en Inde parce que sa vie était également en danger. Et puis depuis que le Dalai Lama a quitté le Tibet, donc il y a eu donc, simplement beaucoup de Tibétains, jusqu'à maintenant plus de 100 000 Tibétains qui ont quitté le Tibet pour venir en exil. Et puis depuis donc l'arrivée de Dalai Lama, ça fait maintenant plus de 50 ans, donc grâce à vraiment sa volonté, sa force et puis sa motivation, son travail basé sur l'altruisme. Et donc, il a pu construire donc un gouvernement en exil. Il a pu vraiment construire des camps réfugiés tibétains où les enfants comme nous, ceux qui sont nés en exil, nous avons la possibilité de vraiment d'apprendre et de sauvegarder dans cette culture. Donc, grâce à ce gouvernement en exil, vous avez pu vivre et grandir en suivant les traditions et les coutumes et la culture tibétaine. Exactement, oui, c'est vraiment avant tout c'est grâce au Sassantete, le Dalai Lama qui travaille jour et nuit pour sauver donc cette culture et cette identité. Et puis il y a bien sûr donc l'ensemble de gouvernements et puis d'autres lamas et puis d'autres personnes laïques, donc vraiment l'ensemble des Tibétains qui travaillent pour vraiment garder et sauvegarder cette culture, cette vraiment tradition tibétaine. Alors en quelques mots, si on devait parler de la tradition et de la culture tibétaine, en quoi est-elle différente du reste de l'Asie? Il y a beaucoup de traditions et cultures qui se ressemblent en Asie, hein, surtout dans les pays bouddhistes. Mais lorsqu'on parle de la culture tibétaine, c'est vraiment depuis le 8e siècle, depuis donc l'arrivée du bouddhisme de l'Inde au Tibet. Donc cette culture a vraiment pris une force très importante en ce qui concerne donc la philosophie bouddhiste, donc vraiment une sorte de développement spirituel, cette force spirituelle. Les Tibétains ont très bien compris que, étant donné que nous voulons être heureux et ne pas être malheureux, il est essentiel de vraiment développer une sorte de notre qualité intérieure et spirituelle. Parce que sans développer une qualité spirituelle, si on cherche le bonheur uniquement vers le bien matériel, vers l'extérieur, donc c'est pratiquement impossible. Parfois, voire, ça nous importe plus de soucis. Hein. Donc, depuis vraiment, cette tradition, culture tibétaine est basée sur cette philosophie de non-violence, vraiment de compassion et de sagesse. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on parle beaucoup de l'intégration, de l'immigration aujourd'hui en France, notamment avec notre nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous, votre arrivée en France? Comment avez-vous vécu l'intégration en France? L'intégration, enfin, même si personnellement je connais pas beaucoup de politique, mais je suis quand même un petit peu. C'est vrai que moi, je suis arrivé comme ça dans un centre bouddhiste. Et au début, je connaissais pas bien ni l'Occident, ni les Occidentaux, ni la politique occidentale. Mais maintenant, je commence à comprendre, à m'y intéresser aussi. Et puis, j'ai subi pas mal de débats politiques avant l'élection présidentielle. Donc, c'était très intéressant. Et je crois que c'est important quand on vient dans un pays où nous sommes accueillis de manière très chaleureuse. On nous donne quand même beaucoup de possibilités de faire quelque chose, de construire quelque chose. Et donc, il faut respecter ce pays. Il faut respecter ce pays a une culture, une tradition. Et donc, il faut s'intégrer à un pays où on vit actuellement. Cela veut dire tout en gardant notre culture. Si nous sommes immigrés, il faut tout de même, on peut continuer à garder sa culture. Mais quand on vient dans un pays où on a été accueilli, c'est très important d'intégrer à ce pays et respecter donc les règles. Est-ce que vous ressentez quelquefois une sorte de discrimination? Discrimination, parfois il y en a, discrimination. Mais je ne sais pas, Parfois, oui, mais pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Certaines personnes sont un peu, oui, ils font un peu des discriminations, mais c'est aussi à nous, par exemple, nous, en tant qu'étrangers, c'est très important aussi, aussi de les respecter. Hein. Par exemple, nous, il faut respecter, il y a des règles dans un pays, et puis quand on respecte la loi, le peuple, donc c'est bien pour tout le monde. On va s'intéresser un petit peu à la culture tibétaine, notamment au bouddhisme. Donc on l'a vu, le bouddhisme est arrivé au Tibet vers le 8e siècle. Je crois que dans le bouddhisme tibétain, il existe différentes branches du bouddhisme. La branche Bompa, Sakyapa, Nyingmapa, Kelungpa, j'en oublie. Oui, c'est ça. En fait, à l'époque de Bouddha, il n'y avait pas toutes ces traditions. Hein. Donc, c'est depuis donc le 8e siècle, à l'époque de 33e roi tibétain, roi Songtsen Gampo. Donc, c'est vraiment à cette époque que tout a commencé. Il a fait vraiment beaucoup de travail pour que le bouddhisme arrive au Tibet et cette vraiment philosophie épanouisse au Tibet. Que cette philosophie puisse être bénéfique à tous les Tibétains et aussi tous les êtres. Et depuis donc, les Tibétains ont adopté donc cette vraiment religion ou soi-disant philosophie comme leur propre vraiment culture et tradition, leur vraiment propre religion. Parce que avant, on avait donc la religion bonne. Donc bien sûr que donc Bön est une religion aussi très importante au Tibet. Elle est encore très présente, très vivante au Tibet ou en Inde. Mais le bouddhisme fait vraiment partie. La culture tibétaine est vraiment basée sur cette philosophie bouddhiste. Et puis après, il y a eu vraiment le bouddhisme est devenu une sorte de pratique ou religion. Du pays, et puis il y a eu beaucoup de pratiquants tibétains qui ont pratiqué cette philosophie, qui ont atteint dans différents états réalisation spirituelle. Et je crois, après, il y a eu donc quatre traditions, à savoir Kagyu, Nyingma, Sakya, Gelug. C'est parce que, ce n'est pas parce que ce sont des quatre traditions différentes, ce sont des traditions qui portent le même message de l'enseignement de Bouddha. Mais moi, je pense personnellement, s'il y a eu quatre traditions, c'est parce que c'est selon donc la manière de pratiquer, et puis l'expérience acquise par tel et tel pratiquant individu, donc il y a eu donc ces différentes lignes. As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day, and if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true. Tibet will be free. Tibet will be free. Le bouddhisme tibétain, quelle que soit la tradition, par exemple, même si le bouddhisme est une philosophie très vaste et profonde, mais le message, si on le résume, on peut le résumer en deux. C'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle Tawa, c'est la vue philosophique, c'est l'interdépendance. Donc dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'interdépendance, c'est-à-dire vraiment, en fin de compte, dans notre vie, tout est lié. Tous les phénomènes sont liés les uns et les autres. On est tous vraiment dépendants les uns et les autres. Donc notre bonheur vient des autres. Et vraiment, tout existe, tout vit d'une façon interdépendante. Et puis la conduite, c'est la même chose, hein, adoptée par les quatre traditions. C'est simplement une conduite, c'est une sorte de éthique morale ou simplement une conduite qui est basée sur ahimsa, la non-violence. Hein, c'est vraiment donc c'est vraiment si, comme dit souvent, ça c'est le Dalai Lama, si on peut apporter le bien-être aux autres, donc ça c'est très bien, c'est quelque chose de formidable. Mais si on ne peut apporter le bien-être aux autres, au moins ne jamais penser, ne jamais nuire aux autres. Donc ça c'est la conduite bouddhiste, vraiment basée sur la non-violence. L'amour, oui, l'amour, c'est ce qu'on appelle le champa, donc un mot tibétain, maitri, un mot sanskrit. L'amour, principalement, on parle de l'amour, la compassion et la sagesse. L'amour, c'est un sentiment qu'on peut développer par la force de la méditation, mais ce n'est pas un amour ordinaire. Hein. L'amour, c'est vraiment un sentiment intérieur très fort, un état d'esprit de vouloir apporter le bien-être à tous les êtres sensibles. Par exemple, quand on développe la méditation, l'amour, c'est vraiment, je veux que tout le monde voit tous les êtres soient heureux. Ça, c'est un sentiment. Lorsqu'on parle de la compassion, donc, d'avoir l'amour, la compassion, ils se ressemblent, mais au niveau des définitions, ils sont un petit peu quand même différents. C'est-à-dire, la compassion, c'est également un sentiment de solidarité, c'est un sentiment, un état d'esprit qui veut que les autres, tous les êtres, soient libérés de leur souffrance. Par exemple, quand je développe une force de compassion, un sentiment de compassion en moi, donc là, je souhaiterais que, par exemple, tous les êtres soient simplement libérés de leur souffrance. Je souhaite que tous les êtres n'aient plus de problèmes, plus de souffrances. Donc vraiment, c'est un état d'esprit de vouloir ici soulager, libérer la souffrance de tous les êtres. Ça peut paraître très utopique. En tout cas, pour nous, pour les Occidentaux, entendre parler de compassion infinie ou d'amour inconditionnel, c'est un stade ou un état d'esprit qui paraît inaccessible ou très difficile à atteindre. C'est-à-dire, dans la philosophie bouddhiste, on dit, par exemple, on parle, d'une part, on parle de Bouddha, ou bouddhaïté. L'autre part, le bouddhisme, c'est plus une philosophie, je pense. Et c'est une voie spirituelle constituée de philosophie. C'est un art de vivre, ou de mieux vivre. C'est un chemin spirituel qui permet à chacun de méditer. Méditer, cela veut dire vraiment réfléchir, tourner son esprit vers soi-même et quelque part découvrir soi-même. Parce que souvent on a tendance à juger les autres, mais lorsqu'on pratique ce chemin-là, ça nous permet souvent de juger soi-même et analyser donc tout ce qui est le fonctionnement des pensées émotionnelles et ces pensées positives et négatives. Donc dans le bouddhisme, il est dit de manière très claire et évidente et précise que tous les êtres sensibles, nous possédons une sorte de graine de pensées positives, par exemple à savoir l'amour, la compassion, la sagesse, tolérance et patience. Mais malheureusement, donc, ces pensées ne sont pas encore développées, complètement épanouies. Donc par la pratique de la méditation, on peut et il faut donc développer ces pensées positives. Et au contraire, inversement, tous les êtres sensibles, tous les êtres donc humains possèdent donc l'ensemble de pensées négatives, ce qu'on appelle les kleshas en sanskrit, l'ensemble de facteurs perturbateurs de l'esprit. Et ce sont par exemple la colère, donc la haine, la jalousie, l'orgueil, donc toutes ces formes de pensées amènent de la souffrance. Comme je dis souvent, je respecte toutes les religions. Toutes les religions portent le même message de la paix, de la compassion et de la solidarité et de la paix. Et donc chaque religion a sa place. Chaque religion est bénéfique d'une manière ou de l'autre. Mais lorsqu'on parle de la philosophie bouddhiste, c'est peut-être une religion, ou peut-être plus une philosophie. Parce que par exemple, dans le bouddhisme, pour nous, un Bouddha n'est pas un dieu. pour nous, Bouddha est un simplement un être humain, mais éveillé, qui atteint l'illumination complète, l'éveil complet. Hein? Et donc, lorsqu'on pratique le bouddhisme, notre but n'est pas forcément de devenir un jour un dieu. Notre but est de rester nous-mêmes, des êtres humains, nous-mêmes, mais sans aucune souffrance. Hein? Lorsqu'on devient Bouddha, cela ne veut pas dire qu'on change tout. Lorsqu'on devient Bouddha, lorsqu'on attend donc ce qu'on appelle Nirvana, donc cet état de bonheur, c'est on ressent à ce moment-là, on a fait déjà ce travail spirituel, et donc par la force de la méditation, on a déjà éliminé, écarté de façon définitive toutes les pensées négatives qui amènent de la souffrance. Et donc, lorsqu'on a purifié toutes ces pensées négatives, écarté toutes ces pensées négatives et développé inversement dans toutes les pensées positives, à savoir la patience, la tolérance, l'amour, la compassion, la sagesse, tout ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est que de bonheur. Donc, c'est le bonheur éternel. Donc, si on peut ressentir un bonheur éternel et sans ressentir aucune souffrance, donc cela nous suffit. Et comment est-ce qu'on y parvient? La méditation est un outil important pour arriver à cette libération? Oui, c'est très important. Donc, il y a 2-3 jours, j'ai fait une conférence sur la méditation. Et c'est vrai que maintenant, moi, ça fait plus de 11 ans que je suis en France. Je connais assez bien maintenant les mentalités occidentaux. Et donc, c'est très important que maintenant, comme dit sa sainteté, le Dalai Lama, il dit maintenant, il faut être bouddhiste du 21e siècle. Donc, moi, je dis souvent, qu'est-ce que veut dire d'être bouddhiste du 21e siècle? Donc, c'est-à-dire, donc nous, pour toutes les personnes ayant une croyance religieuse, c'est pareil. Il faut être chrétien du 21e siècle, il faut être musulman du 21e siècle, il faut être des pratiquants du 21e siècle. Cela veut dire, probablement, à mon avis, c'est vraiment essayer d'intégrer plus donc les pratiques dans la vie de tous les jours. Hein, par exemple, dans mon cas personnel, si je me suis dit, je suis un bouddhiste, si j'attends vraiment que pratiquer dans un temple bouddhiste, c'est pas vraiment une manière de pratiquer dans le 21e siècle. C'est-à-dire, je peux pratiquer une méditation ou une prière dans un temple de Bouddha, dans un temple bouddhiste, mais l'essentiel, c'est vraiment où que je sois, quelle que soit mon activité, avec qui que je sois, là, vraiment, dans la vie de tous les jours, il faut pratiquer, il faut penser, pratiquer le bouddhisme. C'est-à-dire vraiment d'être tolérant, s'ouvrir plus vers les autres, pratiquer la patience, la compassion et la sagesse avec les autres. Par la force de méditation, on peut tous vraiment faire un progrès. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Il y a différents termes qui reviennent dans le bouddhisme tibétain. On va parler de réincarnation. De quoi s'agit-il? La réincarnation, c'est simplement c'est succession d'une vie, succession de l'esprit, hein, de la pensée. Donc, quand on parle de la réincarnation dans le bouddhisme, cela veut dire il y a, par exemple, lorsqu'on parle d'un être vivant ou un être humain, il y a deux choses principales. D'une part, il y a donc le corps physique, et puis d'autre part, il y a ce qu'on appelle l'âme ou bien donc la conscience, donc l'esprit qui habite ce corps. Et donc nous naissons et ensuite après la naissance donc fait que les choses sont impermanentes, éphémères, donc il y a toute une évolution des choses, on grandit, on vieillit, on tombe malade, à la fin on meurt. Donc, lorsqu'on parle de réincarnation, au moment de la mort, lorsque la personne est vraiment morte, cela veut dire qu'il y a simplement la séparation de la conscience et du corps. Donc, le corps physique, et donc, on laisse. Et la conscience, lorsqu'on parle de la réincarnation, la conscience transmise d'une vie à l'autre. Donc, cette conscience qui va au bardo. Bardo, c'est un état qu'on explique comme étant intermédiaire, donc qui est un état après la naissance, après la mort et avant la naissance, et cette conscience continue et qui va pénétrer dans la matrice d'une mère. Donc lorsque cet enfant est né avec plus ou moins de la même continuité de la conscience, donc lorsqu'on parle de la réincarnation, c'est simplement donc une vie continuité d'une vie ou précisément continuité d'une conscience. Combien de temps va rester l'esprit ou l'être dans la phase transitoire du bardo? Combien de temps on va y séjourner avant de revenir dans une nouvelle incarnation? Ça, c'est vrai que je pense pas qu'on a cette preuve scientifique, mais selon le texte bouddhiste enseigné par les maîtres tibétains, indiens et Bouddha lui-même, donc ce transit peut durer d'une semaine à 7 semaines, c'est-à-dire le minimum période c'est une semaine. Donc au bout d'une semaine, donc cet esprit trouve cet être de bardo trouve donc selon son karma et le karma des parents une matrice. Donc on peut très vite au bout d'une semaine retrouver une naissance. Donc si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on est obligé de rester 2 semaines, 3 semaines. Donc le période minimum, c'est 1 semaine. Maximum, c'est 7 semaines, qui est équivalent de 49 jours. On pense à la réincarnation, on dit oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère dans le monde? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, des gens meurent de faim, des gens meurent de soif? Est-ce qu'on peut expliquer ça à travers le karma? Mais selon donc, le bouddhisme, c'est chacun, par exemple, il y a d'abord donc, la réincarnation et puis ensuite l'environnement. Par exemple, on peut, pour renaître en tant qu'un être humain, il faut créer des causes et conditions, causes vraiment particulières, précises. Par exemple, l'une des causes principales de renaître en tant qu'un être humain, c'est la pratique pure de l'éthique. Hein. Ça, c'est vraiment, comme on dit, donc vraiment, cette pratique de la principale de la discipline ou de l'éthique pure permettrait une personne de renaître en tant qu'un être humain. Mais soit disons, cette pratique, si elle n'est pas accompagnée par une deuxième pratique qui est celle de la générosité, donc à ce moment-là, on peut très bien naître en tant qu'un être humain, mais de se retrouver quand même dans un environnement plusieurs mois où il y a la pauvreté, donc la misère. Donc il ne suffit pas de renaître en tant qu'un être humain. Comme vous venez de mentionner, il y a des pays, certains pays d'Afrique, où il y a vraiment beaucoup de pauvreté, la misère, même dans certains états de l'Inde ou au Népal, hein, il y a une sorte de pauvreté extrême. Donc ces personnes-là, ils sont des êtres humains normaux, mais selon l'explication bouddhiste, donc il ne suffit pas de renaître en tant qu'un être humain, mais il faut également pratiquer à la fois donc cette éthique pure et aussi de la générosité pour qu'on puisse renaître en tant qu'un être humain dans une vie donc suivante en tant qu'un être humain et également se retrouver dans un environnement paisible, dans un environnement où il n'y a pas de vraiment misère, vraiment où on peut également avoir des conditions matérielles favorables. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regard d'ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardailleurs.org.